La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Oui, nous venons d'entendre... Merci. Nous venons d'entendre Arnold. Eh bien oui, c'est son nom, Arnold. Arnaud, avec Popstar. La mort de Bûcheron. Et Billy Idol, l'incontournable Sweet 16. Elle le vide à vitesse moyenne, comme si la rapidité pouvait s'évaluer au nombre de manipulations à la minute. Elle ne cesse de répéter le même mouvement. Le volume ne diminuait jamais. Elle n'y croyait pas. Devant l'acte, elle se demandait si elle rêvait ou bien si la vérité dépassait les frissons attribués à l'angoisse. Ouais, ça, c'est de la poésie. C'est de la poésie. De la douce poésie. De la grande poésie. De la grande poésie? Ouais, ben elle fait quelques mètres, mais rien de plus. Ah, vous avez raison. Errance canadienne demeure On continue. M'entendez-vous? Non, on continue, OK? Errance canadienne demeure une émission atypique qui se distingue. Oh! À quel point trouvez-vous la virgule? Oh, on sait pas. Jamais vous trouverez un dynamisme aussi soutenu provenant de gens... À quel point trouvez-vous la virgule? On la trouve très loin, mais on la cherche toujours sans la trouver. C'est comme le reste, hein? Alors, donc, jamais vous trouverez un dynamisme aussi soutenu provenant de gens animés... Animés par qui? Par un animateur. Errance canadienne demeure une émission atypique. Là, chez moi, c'est la... On la cherche toujours sans la trouver. Oui, c'est le chaos. Errance canadienne, on va le dire deux fois, trois fois, juger. Lâche-moi la patate. L'errance canadienne demeure une émission atypique qui se distingue. Jamais vous trouverez un dynamisme aussi soutenu provenant de votre animateur préféré. Oui. Provenant, il faut toujours dire oui devant les fous, hein. Parce qu'ils se disent... Je comprends pas. C'est normal. C'est l'émotion. OK. Mais tu sais que... Excuse-moi, rapproche-toi. Oui, je me rapproche. Pour la centième fois, là, Errance canadienne demeure une émission... Une exhibition atypique qui se distingue. Jamais vous trouverez un dynamisme aussi soutenu provenant de votre animateur préféré, Reynald Gagné, qui s'anime et s'enflamme avec fougue depuis bientôt... Trop longtemps. Cette émission de variété vous présente une véritable différence où l'excentricité et la création improvisatrice voltigent à travers les circuits cybernétiques. Vous pouvez devenir membre de cette transmission auditive grâce à Facebook. Il vous suffit d'entrer Errance canadienne sur le moteur de recherche de ce réseau social et vous serez ainsi instantanément adhérent de la grande aventure qui vous arrive chaque semaine. D'un même élan, écrivez-nous pour nous laisser vos commentaires à Reynald de Québec, RAYNALDQUEBEC, à commercial hotmail.com. Mais qu'est-ce qu'il dit, qu'il dit, Bonjour, c'est tellement bon. Pourquoi c'est pas bon? Si bouchonné, pourquoi maman? Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Charles, on va demander là-bas, c'est mieux qu'ici, là-bas dans le noir, tu m'entends, Gigi, ça n'a pas été là-bas, mais qu'est-ce qu'ils comprennent ces Américains à part le rock et le suisse, ça m'a Gigi, mais qu'est-ce que tu croyais? Mais qu'est-ce que tu croyais devenir comme ça, Gigi l'Américain? Mais c'est non, non, non, non, non, non. Ah non, tu es Juju l'Américain et tu es Banamaricain. Tu entends? Tu entends? Gigi? Gigi? Tu entends? Ils sont tous là. Ah ouais, non. Ah ouais, non. Ah ouais, non. Ah ouais, non. Hey, deux Big Brothers, s'il vous plaît, bien tassés dans un verre, avec deux yeux qui nous regardent dans le Big Brother. Oh, on n'a plus tu nous donnes. Hey, on a les moyens financiers, nous autres, à l'Érance Rénaldienne. On a ouvert un Radio-Temps. On a Radio-Temps. OK? On a dit, débouche-nous un budget de tant de dollars. On veut des Big Brother. Des gens heureux. Je vais te chanter la balade. Aïe, non, la balle, aïe, la balade, les gens, toi, tu l'appelles, c'est la cathédrale. Ah, c'est pouilleux, cette émission-là ne lèvera jamais. Nous sommes rendus presque aux trois quarts du nombril. De quoi ça a l'air? C'est ça. On arrête l'émission. Jean-Marc, qu'est-ce qu'on peut couper? Non. Maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. C'est quoi? C'est la cathédrale qui s'illumine de tous ses chantiers. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le. Madame deux Big Brother. Hey, lâche le Big Brother parce que là, on va couper. Non coupé, on veut pas. Mettez pas d'eau, hein. Coupez poisson, mettez deux Big Brother, deux glaces dans le Big Brother, deux gros yeux qui nous regardent, et une paille, puis on est au petit deux fois mon père, madame, messieurs, madame la sœur, levez la jupe, ainsi soit-il, dans le Amen. Laissons-nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil, Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Est-ce que ça Buck de ce côté-là? Non, tout va bien, la technique ça ne lâche pas maintenant, c'est extraordinaire. J'espère que ça fait la troisième fois qu'on recommence cette merveilleuse émission. C'était bon la première, c'était merveilleux. C'était passablement la deuxième. La troisième, c'est de la grosse invention. De la grosse inventivité. C'est le succès. Broadway nous appellera. Les grandes radios commerciales. Radio-Canada, la radio compétitive. Le titre de cette nouvelle de Charles Bukowski, est-ce que c'est le titre qu'on commence? Je ne me souviens plus. Première phase. On commence par la première, Jean-Marc! Lâche pas la madame, lâche pas la madame, parce que c'est elle qui a volé notre deux Big Brother. OK, lâche-la pas. Mais madame, redonnez-nous notre deux Big Brother. Des chicanes de fond de bord. Redonnez-nous notre deux Big Brother. Les Big Brother. Oui, c'était vous. Ben, c'était qui d'autre? Grosse insignifiante, on est deux, puis c'est qui? Oh, mais je pensais... Ben, nous sommes trois au bar. Ben, c'est ça. Attends-toi pas qu'on va te parler, OK? Parce qu'il y a une improvisation à faire. C'est Ronnie avait rendez-vous avec les deux hommes au bar allemand du quartier de Silver Lake. Ces deux gars-là nous attendaient. Avec Bark et Jonquille. Ah, c'est pas vrai. Ouais. Ils nous attendaient pour qu'on puisse aller avec eux voguer dans ce petit ruisseau qui nous amènerait vers un trésor. Oh! Sirène. Une sirène aux longs cheveux. Au quoi? Aux longs cheveux. Mais là, elle avait les cheveux tellement longs, la sirène, là, qu'elle pouvait même pas sortir de l'eau parce que la pesanteur de sa crinière refusait de s'extirper de l'eau. La queue y brandissait. La vôtre, la nôtre brandissait aussi. Toutes les queues brandissaient. Puis on voulait la sortir. Là, le kayak collait à terre. Comment? Le kayak collait à terre. C'est quoi ça? C'est une prière? Non, le kayak collait à terre. Ben, collait dans la boîte, dans le sable mouvant. Oh, c'était émouvant, c'est très émouvant. On lui a même demandé. Tu es en train de pleurer? Non, tout ça en même temps. Hey, t'es capable de tout faire ça? Moi, je suis deux Big Brother. Un illusionniste. Alors, arrête d'illusionner, toi. Non, j'hallucine. Arrête d'hallucinerben non, c'est ça l'émission. Oh! Plus tu hallucines, plus tu erres. Plus tu erres, plus tu... tu digères. Tu digères quoi? L'illusion d'exister. Oh! Freud! Oui, c'est moi, Freud! Freud, devant cette phrase-là que monsieur vient de dire, laquelle? Oh, monsieur... T'écoutais pas? Je n'écoutais pas, j'étais en circulation intégrale de mon moi profond. Oh, la circulation intégrale de votre vous profond. Pas vous, moi. OK. Et nous, vous, crétins. Oh. Épidémie intellectuelle. Oh, hey, wow, on n'est pas dans la radio coco, là. Épidémie intellectuelle, ça, c'est pendant le rara, le roro, le riri, le roro, le riri, le ruru. Ah, non. Et nous autres, on n'est pas aussi épave que ça, là. On prend pas trois gars, trois filles, on n'essaie pas des ramans. Non. Nous, nous sommes dans l'évolution. L'évolution de l'espèce. Les espèces de crétins, oui, qui, eux, font ça, mais nous sommes dans l'intellectualisme. Et plus ça intellectualise, plus on veut la vérité. Laquelle? Celle-là. Alors, Monsieur Freud? Oui. Madame Freud? Oui. Madame Freud, j'ai pas dit Monsieur Freud. J'ai dit Monsieur Freud, oui, mais j'ai dit... Est-ce que Madame Freud est là? Non. Elle est où? En psychanalyse. Oh, elle se psychanalyse au niveau de? Au niveau du freudisme. Oh, elle essaie d'évacuer. De m'évacuer? De votre vie? De notre vie. Oh. Est-ce que c'est dit dans les livres? Les livres aussi épais que nous. Aussi épais que vous? Que vous. C'est, ça n'a jamais été dit. Oh, alors, à l'errance rénaldienne, c'est un scoop. Un scoop formidable. Oh, ben merci. Je me sens comme touché. Pas comme touché, vous vous sentez touché. Oui, touché. Comme Arnaud, à Bruxelles. Est-ce que tu connais Bruxelles? Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous connaissez Bruxelles? Je le connais très bien. C'est où? Belgique. Oh! Alors Arnaud va nous raconter son petit coin de pays. Extraordinaire. Merveilleux. Écoutons. Oui. Oreille attentive. Oui. Fermez ma bouche. S'il vous plaît. D'accord. Let's sing a song for Linda, Mustafa, Jean-Pierre, Fatima, Michel and Paul. The brain I've got, les Flamands et les Wallons. You and me and Mr. Nobody. Dancing in the streets of Belgium, Brussels where they eat sprouts and aroma sauce. Dancing in the streets of Belgium, Brussels where they eat sprouts. The city open as an old whore. It's expensive to be poor. Petit pays avec un grand esprit, where they speak no the streets of Belgium, Brussels, where they eat sprouts and raw mussels. Dancing in the streets of Belgium, Brussels, where they eat sprouts and raw mussels. Quand les grands boss sont jamais venus, personne ne saura jamais pourquoi. Un jour, deux jours, trois jours, je vous dis que les gars ils commençaient à être nerveux en simiqué, il y avait les carabines chargées au bout, là. Ils dormaient à tour de rose. Ils n'allumaient jamais d'électricité. Guetta. Guetta. T'es à crête, ils m'envoyaient porter du manger trois fois par jour aux prisonniers. Nourris les bains, on a de besoin. Moi, j'ai glissé à son assiette à travers le châssis, sans y parler. Tancred disait, quelqu'un nous a trahis. Il cherche à qui? Il avait raison. Les grands boss sont vraiment venus, c'est la police qui est arrivée. Il était bien une cinquantaine, il y avait des bombes lacrymogènes, il y avait des machine guns, il y avait des haut-parleurs. Tancred a dit, ça sert à rien de se battre, on a été trahis. Là, il est sorti dehors tout seul pour parlementer. Il s'est avancé de 20 fusils, bras en l'air, là même. Et il a dit, je m'appelle Tancred Chapdelaine! Je suis le seul qui a... une balle qui venait du camp. De là. Et on verrait de mort. Une balle dans le dos. Là, ça a été effrayant. Là, les gars, ils ont pensé que c'était la police qui avait tiré. C'est fait qu'ils ont tiré à leur tour. Puis ça a été épouvantable. La police est servie de ces maudites machine guns. Votre père a été enterré ici. Là, c'est Régent Lafrenière. Puis ici, Tommy Lapointe. Il n'y a pas eu de service religieux, rien. Une semaine après, le camp était vide. Tout le monde avait été transféré ailleurs. Mais ils m'ont dit, tu gardes le camp, tu permets à personne d'approcher. Et attention. Tu te souviens de rien. De rien. Que está bien y que va. Quisiese besar, olvidarlo todo y empezar de nuevo. Dejaría atrás la dura y cero, dejaría el odio, dejaría el miedo. Vuelvan a ser hijo de Adán, padre de la humanidad. Vuelvan a ser hijo de Adán, padre de la humanidad. Vuelvan a ser hijo de Adán, padre de la humanidad. Hey! C'était les Ramoneurs de Menhir avec Nomade. Tino Tovar, le grand Tino Tovar avec Combo RR et la Ramoneurs. Est-ce que tu peux le répéter? Je le répète pas. Allez donc! Tino Tovar. Ah, ça, on le comprend. Avec Combo RR et le Camino. Oh! La mort de Bûcheron et Arnold. Arnold, c'est vrai. Arnaud, dit Arnold. Bruxelles. Et puis, ça va toujours me rester Arnold. Hein? Ouais, Arnold, c'est Wenezel. Et les Ramoneurs de Menhir, nous les suivrons peut-être en tournée dans quelques mois. Ça reste à confirmer. La nuit frappe à l'interstice de l'obscurité, à l'entrée de la prohibition, là où s'ouvre le mystère pour les hypnotisés de Walt Disney, pour les vierges pas encore déflorées, pour les endormis jamais défraîchis, pour les jamais trop, toujours assez, les éloquents de début de journée, les décrochés d'une réalité, la mienne. Oui! Oui, effectivement, derrière l'adage se cache une autre vérité, une clé clandestine qui nous fera entrer dans une seconde zone de l'interprétation, une dimension cachée par les médias formatés. À présent, choisissons comme expression. Peut-être que ce sera en deux temps. Oh, comme à Laval, ça a deux temps, c'est toujours plus fraîche, rafraîchissant. Comment? Rafraîchissant. Hey, là, je ne reprendrai pas toujours votre langue. Oh, je la donne au chat. Non, au diable. La diable. Oh, le diable est dans... Et dans, la et dans ses chaleurs. Oh, OK. Alors donc, le véritable honneur dans la vie nomade. Hein? Je parlais du groupe nomade, puis le véritable honneur est dans la vie nomade. Proverbe arabe, en 1807-1883. Ça vient de Abd el-Kader. Alors, je répète, le véritable honneur est dans la vie nomade. Effectivement, je crois que les aventures font grandir et surtout que les ouvertures vers le monde nous amènent à moins de préjugés. Plus t'en as, moins tu voyages. Pauvreté intellectuelle. Pas toujours, mais assez souvent. Nous sommes une société au Québec de vendeurs de bouteilles vides. Des gens qui comptent leur scène noire, qui vivent sur leur paye, qui sont incapables de budgéter, qui s'alourdissent par le crédit, qui ne peuvent pas aller plus loin que leur bout de leur nez, qu'ils stagnent souvent. Donc, ne font rien. Ils ne sont que des ombres. La question est... C'est laquelle? Ben, c'est ça, je me la pose. Suis-je ainsi? Oh, pas vraiment. Pourquoi? Ben, moi, tu sais, mon champion, là, depuis que le monde est monde, là, je chantais « Ne vous déplaise ». Non, allez-y. Ben, je disais... Hier au soir, c'était beau dans la ville... Si beau que j'en perdis la raison. J'ai chanté hier. On fait. Non, avant-hier. La semaine dernière. On fête la Sainte Cécile. Et tout le monde portait ce nom. Dans le temps, là, on se posait pas ces questions-là. On était dans le monde. Aujourd'hui, on est toujours à l'extérieur. On essaie de trouver, de zoomer, de s'incorporer dans une réalité qui n'est plus la nôtre. Nous sommes des dénaturés de notre siècle. Nous avons déconstruit le monde et nous tentons de le refaire à notre image qui n'est plus la nôtre. Une image comme la nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres, c'est quelque chose de mieux. Sans leur parler, je sais tout ce qu'ils vont me dire. À ton regard, je vois tout ce que tu désires, un amour comme le nôtre. C'est l'aboutissement. C'est comment? C'est l'aboutissement. Un amour comme... Arrêtez. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas... C'est la finale. Oui, c'est la finale. Ce n'est pas celui des autres. C'est quelque chose de mieux. Hey, dormez pas. Dormez pas, c'est pas le temps. Alors, ce proverbe nous amène à travers un autre qui nous dit « La reconnaissance est la mémoire du cœur ». Ça, c'est un proverbe français de Mésaïeux, lettre à l'abbé, Sicard. Laura Sicard, comme si trop tard, comme tu tournes ton chocolat, tu vires dans le caramel et moi aussi. La reconnaissance et la mémoire du cœur. On ne peut pas dire autre chose là-dessus, hein? Il y a un cœur qui palpite et lorsqu'il bat, il ne le fait pas pour rien. Ah, mais ça, là, c'est ce qui fait pleurer le monde. C'est ce qui fait vivre la terre, la planète. C'est encore l'amour et non pas l'argent. Ça, c'est la dernière chose qu'il faut se rappeler. La dernière chose avant de quitter cette poussière, ce grain de poussière. Comme disait Renaud, en parlant de la terre, ce grain de poussière, comment dire ça? C'est dans fatigué du mensonge et de la vérité, que l'on croyait si belle, que l'on voulait aimer, qui est si cruel et que... Fatigué de cette terre... c'est ça, il disait que ce grain de poussière, ce caillou minable... Vas-y Arnaud. Or is it you? On t'écoute. Thrusting out from a micro miniskirt, I dance with her, and you and me. I dance with her, and you and me. Oh, I'm so happy, like a nun who enjoys her chocolate ice cream. Sometimes I feel it, I don't feel I need it. Oi, oi, oi, oi, I need it. I dance with her, and you and me. I dance with her, and you and me. Vous pouvez venir un prêtre pour chanter un service, on ne peut pas les laisser enterrer de même comme des païens. Ben non. J'avais été ici, moi, ça ne serait pas passé de même. Ça ne serait pas passé de même, certain. Quel bord t'aurais été, toi? Hein, Armand? C'est le bord de la justice, Chris. Mais de quel bord c'était, la justice, Armand? Il y a une chose qui me tracasse. Ton mari, Tinoël, était-tu au courant que tu couchais avec Tancrède? Choisis bien ton moment pour me poser une question aussi ridicule. Excusez. Tinoir! Non! Mon Dieu! Oh non! Oh non! Non, non! Non! Et à part ça, qui le connaît? Qui s'en souvient, personne? Ces touchantes attentions me criblent de rêveries véritables. Je fais comme si c'était pas périlleux, mais ça me rend au chiffon de la savoir, hors d'atteinte, hors de moi. Elvire, comment lui en vouloir? Un autre que moi se serait flingué, moi pas. Sors sans elle. Je fais la joie des anges livreurs. En exil, j'excelle au bar parallèle. Mais saura-t-elle ce que j'éprouve à séjourner au sein d'un logiciel? Oui, saura-t-elle ce que j'éprouve? Inaltérable, au matin m'atteindront frappés par la ressemblance. Attends-moi, me manque pas, tu me manques déjà. Elvire, nos aubaines traquent l'anguille au gymnase, on s'éparpille aux quatre coins. Simuler, dissimuler, simuler. À séjourner au sein d'un logiciel. Oui, saura-t-elle ce que je prouve? Elle vient. Comment lui en vouloir? Je me tue à t'aimer. Mon archer virtuel n'a d'égal qu'une crécelle de thé de la même virtuosité. Elvire, ce regain, comment lui en vouloir d'être la copie conforme et l'original? Mais sera-t-elle ce que j'éprouve à séjourner au sein d'un logiciel? Oui, sera-t-elle ce que j'éprouve? Elvire, comment lui en vouloir? Come on. est parti te porter tout sans terre. Il y avait Michel et Robert et puis moi. Après, bien sûr, on est venu boire un verre. Et comme de juste, on a tous parlé de toi. On a dit tout ce qu'on savait sur ton compte. On a payé tes ardoises en retard. Passé les nuits avec chacun son compte. On s'est trouvé tout con sur le boulevard. Si vous saviez comme ils sont les artistes, si vous le saviez, nous n'en serions pas là. Si vous saviez comme ils sont les artistes, on n'aurait pas enterré celui-là. Toi qui es parti comme un grand malhonnête, t'as laissé Pierre et Robert et puis moi. On n'a plus rien que le bourdon dans la tête, ça fait beaucoup d'orphelins à la fois. Y a pas idée de filer à l'anglaise, comme tu l'as fait sans rien dire aux copains. Il fait pas chaud, tu sais, dans la terre glaise, tu seras tout seul et puis t'auras l'air fin. Si vous saviez comme ils sont les artistes, si vous le saviez, nous n'en serions pas là. Si vous saviez comme ils sont les artistes, on n'aurait pas enterré celui-là. Moi, pour une fois, j'ai fermé ma grande gueule, tout comme Robert, Michel et Picois. La joie de vivre, elle est repartie toute seule, et d'un seul coup, avec nos gueules de bois. On a chanté nos chansons tous ensemble, on a fini par boire à ta santé, à la santé de ceux qui te ressemblent, en espérant qu'il nous en est resté. Si vous saviez comme ils sont les artistes, si vous le saviez, nous n'en serions pas là. Si vous saviez comme ils sont les artistes, on n'aurait pas enterré celui-là. Si vous saviez comme ils sont les artistes, si vous le saviez, nous n'en serions pas là. Si vous saviez comme ils sont les artistes, on n'aurait pas enterré celui-là. Poil au bas. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.